Le pèlerin s'éloigne dans la nuit, par le sentier rocheux, vers les hauteurs de l'aube. Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert, car j'ai vu dans mon peuple la violence, l'iniquité et les contradictions. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort m'environnent. Oh, mon Seigneur, as-tu trompé ton serviteur ? Mes ennemis ont reculé quand je criais. Je sais que Dieu me défendra, car il a délivré mon âme de la mort. Il garantit mon pied de toute chute. Accueillez-moi dans votre joie, ange caché dans la lumière, que j'entende vos voix pures. Louons ensemble l'Éternel. Louons-le dans les lieux élevés. Louons-le par-dessus les glaciers. Oh.